Un homme sur le piano, sans plan ni scénario, sans coupure sur les mots. Écoute, un homme et ses défauts, presque un anti-héros, parfois mal dans sa peau. Personne ne me connaît vraiment, personne à part toi maintenant. Ce que tu entends, c'est ce que je vis en version originale. Ce que tu entends, c'est ce que je suis. Ouvrez-moi en version. Ses erreurs, ses joies et ses frayeurs, et sa vie antérieure. Écoute, un homme et son bonheur, écrasé par la peur de ne pas être à la hauteur. Personne ne m'a aimé autant, personne à part toi maintenant. Ce que tu entends, c'est ce que je vis en version originale. Ce que tu entends, c'est ce que je suis. Levez-moi en version. Entre toi et...